Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Marcel Proust, politique, l'écrivain dans la cité. Dans le journal Le Temps, le 15 janvier 1898, une protestation. Quelques professeurs d'université, d'hommes de lettres, internes d'hôpitaux, avocats, étudiants ont pris l'initiative d'une pétition qui a pour but de réclamer la révision du procès Dreyfus. En voici le texte. Les sous-signés protestant contre la violence des formes juridiques au procès de 1894 et contre les mystères qui ont entouré l'affaire Esterhazy persistent à demander la révision. Les premières signatures recueillies sont les suivantes. Oh, la liste est longue. Émile Zola, qui quelques jours plus tôt a publié dans l'Aurore « J'accuse Anatole France ». Il y a du beau monde, il y a du beau monde. Et puis, nous y trouvons Robert de Flers et Marcel Proust. Proust est-il un écrivain engagé? Lui qui écrit, qu'en est la figure de l'intellectuel? Anne Simon, bonjour. Bonjour. Proust, écrivain engagé? Proust, écrivain engagé ou jeune homme engagé, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose. En tout cas, dans les années 1890, évidemment, il va s'engager pour la révision du procès Dreyfus, et notamment en faisant signer des pétitions en essayant de regrouper autour de ses idées politiques ses amis et ses connaissances, ce qui n'était pas évident vu les salons qu'il fréquentait. Donc oui, à ce moment-là, il s'est engagé. Il s'est engagé aussi au moment des lois de séparation des cultes et de l'État, en 1905 notamment. Il a écrit un article juste avant pour la défense des églises dont on reparlera. Donc il y a eu des moments comme ça où il s'est publiquement engagé, puisque l'engagement, c'est d'abord et avant tout une prise de position sociale, publique. Après, je pense que c'est davantage un écrivain politique qu'un écrivain engagé. Voilà, la subtilité est essentielle. Anne Simon, c'est très amusant ce que vous venez de dire, de différencier le jeune homme qui peut s'engager et l'écrivain. En parlant de Marcel Proust, séparons l'œuvre et l'auteur, c'est le contre Sainte-Beuve. Il y a une différence à faire ici avec Proust? Entre son engagement, son action politique en tant qu'individu, et puis ce qui transparaît dans son œuvre. Alors je pense qu'il n'y a pas de différence à faire pour le jeune Proust, puisque on a découvert, dans les années 50, en 1952, avec la parution de Jean Santeuil, ce qui n'est pas le titre que Proust a donné à son brouillon, mais voilà, on a découvert tardivement que Proust avait écrit des archives, le mot est employé par Proust dans Jean Santeuil, qu'il avait écrit des archives, une archive de l'affaire Dreyfus, une archive noire, c'est-à-dire que, et on a pas beaucoup de textes de ce type-là à cette époque. Il a écrit sur le vif son expérience des procès, du tribunal, et dans ce brouillon qu'il n'a pas publié. Donc à ce moment-là, oui, il y a, je dirais, adhérence entre l'écrivain en herbe et Proust, sachant qu'en plus, il a envoyé Les plaisirs et les jours qu'il avait fait paraître en 1896 au colonel Picard qui défendait Dreyfus et qui était enfermé en prison. En revanche, pour la suite, on verra tout à l'heure que à la recherche du temps perdu, il est extrêmement difficile de retrouver la voix de Proust, puisque le politique est envisagé de façon multifocale, de façon multiperspectiviste, à travers les voix et les yeux de l'ensemble des personnages de la recherche. Marcel Proust est né en 1871, il meurt en 1922, et vous avez raison, Anne Simon, la vie d'un homme n'est pas un tout, il y a des évolutions et c'est très important de le souligner. Luc Fraisse est avec nous dans le cours de l'histoire sur France Culture, bonjour. Oui, bonjour Xavier Mauduit. Au moment de réfléchir à l'engagement, je mets des guillemets, de Marcel Proust, il y a un contexte à souligner. Dans ces années 1890 apparaît mais cette figure majeure qui baigne notre culture, celle de l'intellectuel. Il se passe quelque chose à ce moment-là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la notion d'intellectuel est relativement liée par son émergence à l'affaire Dreyfus. Et donc, c'est un contexte à la fois social, politique. Les classes sociales jouent aussi beaucoup beaucoup là-dedans. Et en fait, l'affaire Dreyfus reste un peu immobile au début, depuis la condamnation de Dreyfus et son envoi sur l'île du diable à la fin de 1894. En fait, ce n'est que dans l'été 1897 que Proust va voir émerger cette affaire dans la vie publique et dans sa sphère, grâce à deux personnages qui jouent un rôle diversement important ici, Joseph Renac, qui est d'une famille assez extraordinaire, le frère d'un archéologue et d'un historien, qui est avocat, qui a fait une carrière de journalisme politique, qui était député, et qui joue un rôle de premier plan dans la révision du procès de Dreyfus. Il publiera d'ailleurs, en cours de l'affaire encore, une monumentale histoire de l'affaire Dreyfus que Proust a lu en partie et Proust le connaît. Et puis alors tout ça apparaît dans la mouvance de Madame Strauss, Geneviève Strauss, la fille du compositeur de Jacques Fromental à Lévy, et veuve elle-même de Jacques Bizet, remariée à l'avocat Émile Strauss. Et donc, Jacques Bizet et Daniel Alévy sont des condisciples de Proust au lycée Condorcet, d'où d'ailleurs est aussi issu Renac. Et ce sera un grand salon Dreyfusard, et Proust va beaucoup se passionner dans cette affaire grâce à cela. Et quand on parle de cet événement politique, il faut encore, et en dernier lieu, penser au milieu des débuts littéraires de Proust, car ce milieu est assez Dreyfusard. Le lieutenant-colonel Picard, qui va être une grande admiration pour Proust, est un ami d'Alphonse Darlu, qui était le très apprécié, admiré professeur de philosophie de Proust au lycée Condorcet. Ça aura son importance parce qu'au fond, je crois que au plus profond, je ne sais pas ce que mon amie Anne Simon en dira, mais l'approche de l'affaire Dreyfus est une approche quasiment philosophique, c'est la question de la vérité. Hein. Et les revues dans lesquelles Proust commence à se faire connaître un petit peu, Le Banquet, la Revue Blanche, sont des milieux Dreyfusard. Et donc, il y a tout ce terreau, si vous voulez, qui va amener Proust à s'engager essentiellement à partir de l'année 1898, parce qu'on sait la cascade d'événements qu'il y a, le J'accuse de Zola dans l'Aurore, l'acquittement d'Esterhazy, le coupable sous les acclamations, l'emprisonnement du lieutenant-colonel Picard plus tard dans l'année, et c'est à ce moment-là que Proust va se démener d'une façon assez unique dans sa vie. Anne Simon, une réaction ? Oui, je m'accorde complètement avec Luc Fraisse à l'époque de Jean Santeuil. Donc Proust est encore tout jeune, hein, il est né en 1871. Il y a cette recherche de la vérité et d'une justice palpitante, comme il le dit aussi à propos du discours de Jean Jaurès, alias Couson, dans Jean Santeuil, sur les massacres des Arméniens. Et je pense que Luc Fraisse a eu raison de resituer Proust dans son environnement social d'alors. Je crois qu'il faut bien prendre conscience que dans l'engagement de Proust, il y a aussi tout ce qui concerne son lien à sa famille et à une citoyenneté qui n'a accordée aux Juifs qu'en 1791. Donc en 1871, quand Proust naît, ça fait à peine 80 ans que les Juifs ont la citoyenneté active en France. Et d'autre part, il a deux grands-pères qui ont été naturalisés français, l'un à la fin du XVIIIe siècle et l'autre en 1827. On est donc, et en plus, avec une famille alsacienne d'origine germanophone. Et on est donc, pour Proust, dans une menace qu'il atteint au cœur de tout un pan de sa famille, qui est celui de la famille maternelle. Voilà, la famille maternelle, du côté de Jeanne, la maman, voilà. qui est juive, parce que Proust, son père, s'est marié. Alors c'est toujours aussi, la contextualisation est essentielle, un moment, Luc Fraisse, qu'il faut étudier. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs dans cet univers-là? Anne Simon nous dit qu'il y a une recomposition sociale, une volonté d'intégration dans la société. Proust est au milieu de tous ces questionnements, l'engagement dans l'affaire Dreyfus et plus généralement l'engagement politique, s'il y a engagement, doit se comprendre dans cet univers. Tout à fait. Nous avons un témoignage qui a été donné par René Péter et publié récemment, en 2005, une saison avec Marcel Proust, où précisément Proust lui parle de ce problème et lui dit « Moi qui, hélas, déjà un peu compliqué de nature, suis deux. » Deux, en raison de ses parents, parce que son père, Adrien Proust, qui, je rappelle, ne parlera plus à ses deux fils pendant 8 jours, quand il verra leur nom dans la pétition de soutien à Zola publiée dans l'Aurore. Et de l'autre côté, Jeanne Veil. Jeanne Veil, fait beaucoup de lectures politiques d'ailleurs. J'ai retrouvé dans des archives et publié en 2019 ses souvenirs de lecture. Et on voit qu'elle fait beaucoup de lectures politiques que son fils ne fera pas. C'est d'ailleurs assez à retenir. Elle lit des débats de l'Assemblée nationale. Elle lit des mémoires politiques comme l'histoire de 10 ans de Louis Blanc, qui est un de ses livres de chevet. Et elle avait elle-même un parent, il faut le rappeler, Adolphe Crémieux, qui a été, pour prolonger ce que dit tout à fait justement Anne Simon, président du consistoire central israélite de France. Il a été ministre de la Justice en 1848. C'est l'arrière-grand-oncle par alliance de Proust. Et donc, Proust est lié à ces deux éléments. Evelyne Bloch-Dano, dans un livre très intéressant, Madame Proust, nous explique enfin comment ces deux familles se sont assemblées. C'est-à-dire que, d'un côté, eh bien, pour la famille Proust, Adrien Proust était un boursier de l'État, et quand il arrive médecin, élément brillant à Paris, pour devenir un professeur de médecine, il faut avoir pignon sur rue, il faut avoir un statut, et évidemment, la famille Veil va apporter une aisance financière, une dot importante. Alors on dirait, pourquoi ont-ils tout donné? Mais parce que cette famille a encore l'histoire du consistoire, etc., et ils aspirent à l'assimilation. Et alors, cette famille, originaire de la France provinciale catholique. J'ai encore découvert dans d'autres archives que c'est la famille Veil qui a fourni à Marcel Proust à sa naissance son parrain catholique pour son baptême, qui habitait dans les mêmes maisons que eux, dans leur rue, n'est-ce pas? Donc on voit cet effort extraordinaire d'assimilation. Et dans un contexte où l'antisémitisme est prégnant. Je vous dis que ces tables sont réservées. Mais je sais bien qu'à première vue, je ne suis pas un personnage bien divertissant pour un jeune homme, mais en réalité, il y a en moi un trésor d'expérience. Un dossier secret, inestimable, une explication inconnue, non seulement du passé, mais de l'avenir. Par exemple, savez-vous pourquoi le maître d'hôtel voulait vous interdire ce côté de la salle? Non. Parce qu'il vous a pris pour un juif. Je le suis. Je n'ai rien contre les juifs, je m'empresse de vous le dire. Je ne parle jamais qu'au point de vue de l'art, car la politique n'est pas mon fort. Mais savez-vous ce qui m'étonne chez les juifs? Ils veulent toujours habiter dans des rues qui portent des noms très catholiques. La rue Saint-Honoré, la rue Chanoines. Vous, où habitez-vous par exemple? Rue des Blancs-Manteaux. Rue des Blancs-Manteaux, vous vous rendez compte? Mais c'est un comble de perversité. Dans la rue des Frères Mendiants, un ordre établi dans cette rue par Saint-Louis. Eh ben Saint-Louis, directement, un extrait du film Un amour de Swann de Volker Schlöndorff en 1984. C'est Alain Delon qui joue le baron de Charlus. Anne Simon, la question est complexe. Proust choisit de s'engager au moment de l'affaire Dreyfus. Nous avons évoqué plein de paramètres, ses origines familiales, son environnement social, sa jeunesse aussi, sa volonté d'agir. Qu'est-ce qui motive ce jeune Marcel Proust au moment de l'affaire Dreyfus de prendre, alors peut-être pas la parole, mais d'agir, de faire quelque chose? Je crois que c'est le sentiment du danger. Il faut bien... Luc Fraisse a parlé très justement d'Adolphe Crémieux, du baptême et de la communion de Proust. Crémieux a découvert très tardivement, je crois au bout de 9 ans, ses enfants et sa femme s'étaient baptisés. Il faut bien comprendre qu'il y a évidemment un désir d'assimilation des Juifs, ou ce qu'ils s'appelaient les Israélites à l'époque, au XIXe siècle, désir d'assimilation pour une passion française, une passion pour la France, hein, heureux comme un Juif en France. Cette phrase-là, évidemment, elle éclate, elle explose au moment de l'affaire Dreyfus. Donc il y a ce désir-là, mais aussi un désir de protéger les enfants, et je crois que c'est on ne peut pas le comprendre, et on ne peut pas comprendre la passion de Proust qu'on lit dans Jean sans Teuil, les emportements, l'implication qu'il a dans sa façon de raconter l'affaire, si on ne sent pas à quel point il y a cette fragilité citoyenne dont on aura malheureusement évidemment la plus grande preuve, non seulement lors des massacres de Russie dans les années 1880, mais aussi bien sûr lorsque la cousine, Germaine de Proust, sera déportée avec son mari et sa fille à Buchenwald et à Ravensbrück plus tard. Donc, c'est pas de l'illusion rétrospective. Ce que je veux dire, c'est que il y avait dans ces familles un double désir d'assimilation. Oui, Proust, effectivement, et vous avez très très raison de le souligner, on l'oublie souvent, Anne Simon, Proust a des membres de sa famille déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc nous sommes, quand il prend cause pour Dreyfus au début du siècle, dans cette longue histoire de l'antisémitisme français. Et nous citons, depuis le début de cette émission, ce livre, Jean sans Teuil, le titre a été donné un peu plus tard. En quoi est-il essentiel pour comprendre l'engagement de Marcel Proust? Écoutons Jean sans Teuil. Le dîner n'était pas encore servi. Monsieur Santeuil lisait le journal au salon. En face de lui, Madame Santeuil paraissait dormir. On dit que le colonel Picard aura peut-être 5 ans de forteresse, dit Monsieur Santeuil. Quoi ? S'écria Madame Santeuil en se redressant vivement. Voyons, calme-toi, dit ironiquement Monsieur Santeuil à sa femme, dont la figure devenue subitement celle d'une malade qui souffre, restait contractée, et qui passait ses mains sur ses yeux comme pour ne plus voir ce qui l'effrayait trop, comme pour appuyer sur sa face, faire rentrer en soi à travers la peau les révoltes qu'il avait hérissées. À ne voir que sa bouche contractée, ses sourcils plissés, on pouvait croire qu'elle était en proie à la torture d'un mal. C'était cette tristesse que leurs propres mots ne peuvent exciter dans ces âmes aimantes, et qui s'attache alors au contraire à une douce résignation. Un extrait de Jean sans Teuil, lu dans le cours de l'histoire par Pierre-Marie Baudouin. Jean sans Teuil, paru de manière posthume en 1952, c'est-à-dire que les contemporains, à part quelques privilégiés, ne connaissent pas Jean sans Teuil. Anne Simon, en quoi ce moment, Jean sans Teuil, est important pour comprendre la démarche de Proust dans le monde qui l'entoure, son engagement, toujours avec des guillemets politiques? Ce qui est intéressant, c'est de voir que le politique, chez Proust, infuse sa prose dès les premiers moments où il écrit, que ce soit dans des articles, dans des revues lycéennes ou dans le brouillon de Jean sans Teuil ou dans les plaisirs et les jours, politique, je dirais de deux aspects, d'une part la question de l'antisémitisme et d'autre part la question de l'homosexualité sur laquelle on pourra revenir, parce que écrire l'homosexualité est évidemment aussi un acte politique. Il ne faut pas oublier que dans Jean sans Teuil, on l'a entendu très très bien là, avec cette lecture, à quel point on est encore dans le pathétique, dans le pathos au niveau stylistique. Proust est jeune et je dirais il évacue il évacue tout ce qu'il ressent au moment des procès. N'oublions pas qu'au moment du procès Zola, il y est du matin au soir, il mange des sandwichs sur place. C'est d'ailleurs très intéressant de voir à quel point dans Jean sans Teuil, tout le côté quotidien, pratique des procès sont retranscrits. Ceux qui assistent directement au procès parfois sortent du tribunal pour expliquer aux gens qui sont dehors ce qui est en train de se passer. Donc on a une sorte d'archives quotidiennes des procès au moment de l'affaire Dreyfus. Ce pathos, il va disparaître au moment de 10-15 ans plus tard, quand Proust se met à l'écriture de La Recherche du Temps Perdu, ce qui va dominer, c'est la satire, c'est l'humour, un humour qui est presque inaudible, illisible. Par exemple, pour donner une idée de l'antisémitisme de l'époque, Luc Fraisse a très très bien mentionné tout à l'heure voilà, cette tirade de Charlu qui dit que qu'est-ce que c'est que ces juifs qui habitent dans des endroits qui s'appellent la Commanderie. Dans ce même passage, le baron de Charlu qui a rencontré Bloch, qui est le personnage juif de La Recherche, voudrait avoir des relations sexuelles, il est attiré par Bloch, et il demande au narrateur de le mettre en contact avec Bloch, et il verrait très bien Bloch faire une sorte de partie avec son père, donc le Bloch père et Bloch fils, qui se taperaient dessus l'un sur l'autre pour le plus grand amusant de Charlu. Donc le narrateur dit, mais je ne suis pas sûr que Bloch fils et Bloch père aient envie de se crever les yeux les uns des autres. Et Charlu dit, mais si, c'est la synagogue aveugle, ce sera très bien comme ça, et on pourrait même faire en sorte que le fils tape sur sa charogne, ou comme dirait ma bonne, sa carogne de mère. Et donc, ça vient aussi de Montesquieu, c'est-à-dire que on ne se rend pas compte aujourd'hui de la violence inouïe des propos qui étaient tenus, tout simplement aussi parce que les lois de 1881 sur la presse instaurer la liberté d'expression, ce qui est fantastique, mais de façon non encadrée. Et donc, les atteintes ad hominem, à la personne, les atteintes les propos de haine raciale étaient complètement autorisés. Adeline Vrona est beaucoup revenue là-dessus. Et donc, il me semble que il y a aussi dans l'affaire Dreyfus ce moment où on va devoir faire en sorte que la presse ait une liberté d'expression qui ne nuise pas à la liberté des individus. Luc Fraisse, quand il est question du politique chez Proust, il y a de manière très claire, par exemple dans Jean Santeuil, des allusions. Oui, mais Jean Santeuil n'est pas publié du vivant de Proust. Et puis, il y a La Recherche comme une évidence. Anne Simon nous dit qu'il y a une temporalité à prendre en compte. La lecture d'aujourd'hui efface sans doute certaines allusions. Comment, et c'est très difficile comme question que je vous pose, comment était reçu Proust ? Proust était-il lu comme quelqu'un qui faisait des allusions politiques dans ses ouvrages ? Pas majoritairement, ou alors dans des sens extrêmement contraires. Quand Maurice Barrès lit l'évocation de l'église Saint-Hilaire à Combray, avec cette exclamation que cette église était française. C'est la même année où lui-même publie La colline inspirée, dont Proust d'ailleurs avait fait un compte-rendu envoyé à la rédaction du Figaro et qui s'est perdu, nous ne pouvons pas le lire. Eh bien, il s'exclame de notre côté, quand en 1935, Léon Blum publiera ses souvenirs sur l'affaire Dreyfus, il dira que les pages du côté de Guermantes sur l'affaire Dreyfus sont l'un des principaux chefs-d'œuvre de la littérature dreyfusiste. Donc, déjà là, voilà, pour ce qui est d'être apolitique, voyez, évidemment, quand Proust a présenté le prix Goncourt, il était soutenu par deux Léons qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, Léon Blum et Léon Daudet, c'est-à-dire un socialiste et un monarchiste. Je crois que dans l'engagement très vif de l'affaire Dreyfus, il y a ce côté qu'a nommé Anne Simon le pathos, parce que pour Proust, au-delà de la question, si vous voulez, qui va devenir importante au XXe siècle, de la place qu'on réserve aux Juifs avec parfois beaucoup d'hostilité, il y a une empathie extraordinaire pour un homme. Ça a été, je crois, le vrai nerf de son engagement. En 1920 encore, dans un article qui n'a pas fait paraître un hommage, paradoxalement, à Léon Daudet, qui est très antisémite, eh bien, on a encore cette formule, la pensée de ce qu'un homme pouvait souffrir, m'ayant jadis rendu Dreyfusard. Et, eh bien, oui, c'est un nerf très, enfin, un motif très important. Et l'autre, c'est vraiment que ça pose le problème de la vérité. Dans Jean Santeuil, plusieurs fois est mentionné le travail des juges dans le procès, en tout cas de Zola, et qui est, à travers les témoignages, d'essayer d'extraire vérités. C'est ce qui fait que j'ai l'impression qu'on peut dire que Proust aura été Dreyfusard, au sens qu'on... je m'adresse à un historien, hein, Xavier Mauduit, au sens qu'on donne couramment à ce mot, c'est-à-dire figurant parmi les premiers soutiens de Dreyfus et de ses défenseurs. Alors je ne suis pas sûr que Proust a jamais été un Dreyfusiste, parce qu'il ne généralise pas. Il ne généralise pas. Il est parfois crucifié de douleur quand il voit des formules très fortes d'antisémitisme chez Léon Daudet, dans l'Action française. Il aura une formule très, très forte disant qu'il trouve son nom très souvent dans l'Action française, là où les autres jours, il y a écrit « mort aux Juifs ». Bon, ça ne lui échappe pas, mais ce n'est pas, peut-on le mettre au masculin, un passionnario, vous voyez ? Et c'est ce qui m'a frappé dans toute la... Dans toute l'évolution de Proust, il défendra ardemment, enfin, il s'opposera ardemment à la loi de séparation des Églises et de l'État. Et d'un autre côté, ce n'est pas un polémiste catholique, c'est-à-dire qu'il voit toujours une vérité à extraire. Il acquiesce à certaines positions que prennent les mouvements politiques de son époque, mais sans jamais se rattacher, sans jamais non plus les rattacher à une cause générale devant faire l'objet d'une lutte militante. Ça me frappe, ça. Alors, il est dans une mouvance de lutte militante au moment de l'affaire Dreyfus, notamment, mais lui-même, ce qui lui manque pour être un politique convaincu, ou plutôt ce qu'il a qui l'empêche, c'est qu'il voit toujours chez l'adversaire la part d'humanité et même la part de vérité. Quand Maurice Barrès, pour lequel il aura toujours de l'admiration, et qui a été antisémite, qui a tourné le dos à Madame Strauss, etc., quand il le voit vilipendé à l'Assemblée, ben il souffre, parce qu'il dit c'est un homme qui a des os, qui a des ganglions, qui a un corps, qui a un esprit, et on le fait souffrir. Voilà. Et donc, c'est ça, si vous voulez, qui limite son engagement politique. Parce que le propre d'un idéologue n'est quand même pas d'apercevoir et de signaler à tout le monde la part de vérité qu'il y a chez son adversaire. Luc Fraisse, vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Strasbourg. Vous dirigez la revue d'études proustiennes. Oui. C'est la bibliothèque proustienne chez Classique Garnier. Et dans cette recherche, c'est extrêmement clair ce que vous nous dites. Et nous sentons toutes ces ambiguïtés de Proust avec cette notion d'intellectuel qui apparaît au moment de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire le penseur, mais pas seulement, le scientifique qui prend la parole publique et qui s'engage. À vous entendre, on ne peut pas dire que Proust soit un intellectuel au sens où son engagement n'est pas public, il fait œuvre de pétitionnaire, il agit derrière, son engagement transparaît dans l'œuvre, mais ce n'est pas Zola. Oui, c'est-à-dire que je crois qu'il n'a jamais voulu se poser comme un maître à penser. Ça n'est pas non plus, vous voyez par exemple Sartre, hein, plus tard. Et donc, effectivement, en revanche, il se pense un maître à penser, mais pour aider chaque individu à se faire la philosophie de sa propre existence, à comprendre la signification de la vie. Et donc ça, c'est quand même très, très apaisé par rapport au débat politique, apprendre à chaque lecteur d'être le lecteur de soi-même. Mais comme il a cette soif de vérité, qui est une soif philosophique, mais la vérité, elle entre quand même dans la vie, comme par ailleurs, il souffre dès qu'il voit quelqu'un souffrir, et ça, c'était pas seulement un enthousiasme juvénile, ce sera jusqu'à son dernier jour, hein, véritablement. Et c'est ce qui fait qu'il s'engage avec passion dans des causes politiques. L'emprisonnement du lieutenant-colonel Picard, pour lui, est une désolation profonde, parce que Picard passait son temps, œuvrait, sacrifiait sa vie pour établir une vérité, et qui rencontrait des obstacles, et il continuait. C'est un héros de la vérité. Et c'est pour ça que Proust est profondément touché par son action.

au jour deux formes d'homosexualité très différentes que sont d'une part l'homosexualité masculine, les invertis, la race détente, les hommes-femmes, etc. La race détente, c'est de lui, hein. Et puis de l'autre côté, l'homosexualité féminine, totalement différente. Donc le côté de Gomorre, et donc intitulé un volume dans la recherche du temps perdu, Sodome et Gomorre à son époque, c'est énorme. Céline plus tard va parler du style de Proust comme un style talmudique, tortueux, arabescoïde, mosaïque désordonnée, etc. Mais il parle du franco-yiddish arabiscoté de Proust. Il le compare à une chenille, hein, qui empoisonne tout ce qu'elle touche, que ce soit une rose ou un étron. Voyez, mais il parle aussi, donc ça c'est le côté Céline anti-juif, mais c'est aussi le côté Céline anti-homosexuel, quand il parle de Proust qui est hanté d'enculerie, comme il le dit. Enfin, c'est extrêmement violent. Et pourquoi je vous donne cet exemple de Céline? Parce que il me semble qu'on ne peut pas dissocier chez Proust ce nœud entre homosexualité et judaïsme. C'est Françoise Gaillard qui a montré dans un récent colloque Proust politique qu'on a tenu à Milan. C'est Françoise Gaillard qui a rappelé à quel point, d'ailleurs depuis le Moyen-Âge, hein, le juif est perçu comme efféminé, on disait qu'il avait ses règles, etc. Et que Léon Blum, par exemple, dans les années 30, est présenté en robe de mariée. Et donc voilà, il y a un nœud qui se joue là-dessus, sur homosexualité et judaïsme. Et évidemment, Proust est un immense écrivain de l'intimité et de la sociabilité homosexuelle. Eh bien justement, un exemple avec un extrait de Sodome et Gomorre. Anne Simon, vous avez bien raison de dire que ce titre, Sodome et Gomorre, en soi, est pas une provocation, mais un appel à faire bouger les choses. Extrait de Sodome et Gomorre, lu dans le cours de l'histoire sur France Culture par Pierre-Marie Baudouin. Brave aimé. Il était content de me revoir. Mais il n'aime pas Albertine. Tout le monde ne peut pas l'aimer. Oui, c'est lui qui m'a annoncé qu'elle était à Balbec. Comment le savait-il donc? Ah, il l'avait rencontrée. Il lui avait trouvé mauvais genre. Qu'avait-il voulu dire par mauvais genre? J'avais compris genre vulgaire parce que, pour le contredire d'avance, j'avais déclaré qu'elle avait de la distinction. Mais non. Peut-être avait-il voulu dire genre gomoréen. Elle était avec une amie. Peut-être qu'elles se tenaient par la taille, qu'elles regardaient d'autres femmes, qu'elles avaient en effet un genre que je n'avais jamais vu à Albertine en ma présence. Ce genre, c'est peut-être le mauvais genre, un extrait de Sodome et Gomorre de Marcel Proust. Luc Fraisse, au moment de parler de l'homosexualité de Marcel Proust et de Sodome et Gomorre, par exemple, mais il y a plein d'autres textes et plein d'autres allusions, éléments de la recherche du temps perdu qui font en fait une action politique. Vous êtes d'accord avec cette idée-là? Oui, tout à fait. D'accord avec ce que Anne Simon a dit, le courage de Proust. Je mettrai en parallèle, pour l'affaire Dreyfus, quand même, dès 1916, il y a une lettre à Robert de Montesquieu, où Proust dit « Vous m'avez demandé ce que je pense des Juifs. Et alors, il faut que vous sachiez que bon, nous sommes trois catholiques dans la maison, mon père, mon frère et moi, mais ma mère est juive et je ne voudrais pas qu'involontairement vous disiez quelque chose qui pût me blesser. » Et donc, on voit effectivement ce courage. Ce qui rend l'interprétation difficile, c'est que même pour l'homosexualité, il est assez difficile de traquer ce que pense Proust, si vous voulez. Et voyez, on peut le mettre en parallèle avec une grande scène du côté de Guermantes, donc une des scènes célébrées par Léon Blum, où chez les Guermantes, Bloch tâche de tirer les vers du nez du marquis de Norpois, qui est anti-Dreyfusard en principe, et Bloch évidemment Dreyfusard, sur l'affaire Dreyfus. Et en fait, il n'y arrive pas. C'est-à-dire que le baron de Charlus fait des réponses, le marquis de Norpois fait des réponses, on n'arrive pas à avoir la réponse. Eh bien, je crois, même si ça peut surprendre, que Proust se divise en deux. Il est les deux faces, c'est-à-dire que Bloch représente cette recherche de la vérité à tout prix. Mais enfin, je voudrais quand même savoir, je voudrais arriver à vous faire parler, je voudrais arriver à vous coincer. Et le marquis de Norpois, adopte la position du narrateur de Proust qui arrive, tout en disant des choses très nettes et parfois très vives, à ne pas prendre position. Et je pense qu'après-demain, dans votre émission sur la question de la guerre, vous aurez la même chose. Il y a une chronique militaire dans Le Temps retrouvé, avec des formules vives qui s'en prennent au lieu commun, à la propagande qu'il y avait à l'époque. Et en même temps, Proust doctrinaire, il est plutôt pacifiste, mais il n'est pas belliciste. Enfin, voilà. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Souvent, quand on juge Proust, pour reprendre une question de tout à l'heure, on ne tient pas compte des voies narratives. Par exemple, cette fameuse tirade qui a fait couler tant d'encre, la tirade antisémite de Charlus. D'abord, on ne comprend pas que ce n'est pas Proust qui parle. Et ensuite, on ne regarde pas le contexte, effectivement. C'est une entreprise de séduction de la part de Charlus. C'est aussi le fait que c'est quelqu'un qui parfois déraille et arrive à parler un peu comme un fou, un peu sous l'influence des romans de Dostoïevski, qu'il ne faut pas oublier. Et donc, la critique a tendance à prendre ce passage à la lettre en disant « c'est odieux, mais Proust est un écrivain odieux ». Et en réalité, ben, c'est parce qu'on n'a pas compris. Et c'est aussi un peu le prix à payer, à être complexe et à faire le tour d'une question par divers côtés, ce qui est très caractéristique de la démarche de Proust en matière politique. Et ce qui explique aussi sans doute le succès sur le temps long de Proust, hein, c'est cette complexité, c'est ce qu'on aime, la complexité, Anne Simon. Oui, c'est cette complexité avec tous les contresens possibles qu'on peut faire sur son œuvre. Alors Proust dit, dans une grande œuvre, tous les contresens sont beaux, mais bien sûr, en fait, ce n'est pas vrai. Je veux dire, il y a des moments où on ne peut pas plaquer, par exemple, nos conceptions sur l'homosexualité actuelle, sur l'œuvre de Proust, même s'il est extrêmement novateur sur ce plan, je vais y revenir. Et ce que disait Luc Frey, c'est tout à fait juste. La grande tirade de Proust, qu'on a mentionné tous deux tout à l'heure, voilà, sur cette partie entre Bloch et son père qui l'imagine. En fait, le baron de Charlus est désire Bloch, et Proust dit, le narrateur dit d'ailleurs, il ne sait pas si c'est trop un discours anti-juif, ce qui est évident, ou pro-hébreu dans la mesure où il est séduit par Bloch. Donc il y a aussi c'est le comique de Proust là-dedans quand il essaye de se mettre à la place des personnages, de comprendre tout ce qui se passe en eux, leur revirement, etc. On est dans une dimension satirique et même farcesque dont il faut avoir bien conscience. Alors concernant ces prises de position, moi je dirais quand même que je m'accorde avec Luc Fraisse, mais le fait d'écrire 40 pages sur l'affaire Dreyfus dans Jean Santeuil, en Pléiade, hein, donc écrit petit, enfin tapé petit, ou le fait d'écrire des centaines de pages sur l'homosexualité masculine ou féminine dans La recherche du temps perdu, est déjà une prise de position en soi. Alors, ce qui est fantastique avec cette histoire de mauvais genre, c'est que le genre a plusieurs sens chez Proust. C'est d'abord la célèbre fin de Un amour de Swann, où Swann décide, au moment où il est plus amoureux d'Odette, d'ailleurs, qui est une ancienne cocotte, d'épouser Odette, qui n'était pourtant pas mon genre, comme il le dit. Donc là, c'est parce que elle est vulgaire, elle est pas très intelligente, pas très cultivée, etc. Et puis, on se rend compte progressivement qu'en réalité, Odette avait aussi un mauvais genre. D'abord, elle est mise sacripant dans une toile peinte par Elstir dans leur jeunesse. Elstir qui a peut-être été l'amant d'Odette, et il la peint comme un demi-travesti, une femme avec une sorte de chapeau melon, habillée en homme. On ne sait pas trop si c'est une femme déguisée en homme ou un homme qui aurait un côté féminin. Donc voilà, il y a une sorte de fluidité comme ça qui passe. D'autre part, on apprendra que Odette, qui est la grande séductrice des hommes, qui arrive par les hommes, qui finira par devenir, dans le temps retrouvé, la maîtresse du duc de Guermantes, rendant jalouse Oriane, la duchesse qui n'a jamais voulu recevoir Odette dans son salon. Donc c'est formidable, elle arrive par le sexe en quelque sorte à contrer sa rivale aristocrate. On apprend que Odette a sans doute couché avec Madame Verdurin. Voilà, donc il y a dans la sexualité chez Proust une transversalité sociale qui fait que c'est un très très grand moteur de porosité de classe sociale qu'on pourrait croire étanche. Luc Fraisse, c'est cette porosité et cette complexité qui est passionnante avec Proust et dans tout ce que vous avez pu écrire autour de Proust, hein, le mystérieux correspondant, les souvenirs de lecture de Jeanne Proust, ça c'est passionnant aussi de voir son univers familial. Il y a en fait quelque chose de tressé, la réponse de dire Proust engagé, oui ou non, de dire Proust apolitique ou non, ne se conçoit pas vraiment. Il faut dire Proust est un homme dans son siècle qui évolue avec ses propres complexités. Oui, tout à fait. Avec d'ailleurs ce paradoxe qu'il nous faut à un moment souligner, de cet écrivain reclus, qui est extraordinairement au courant du monde extérieur dans les moindres détails. Il a tout un réseau d'informations et on a parfois l'impression qu'il a assisté à tout, alors qu'il est le plus souvent dans une chambre obscure tapissée de liège pour empêcher les bruits du monde. Et alors, justement, Proust montre cette capacité à retourner les questions dans son autre engagement en faveur de contre la séparation de l'Église et de l'État. Et il montre en même temps qu'il ne devient pas non plus, si vous voulez, un Bernanos, pour autant. Hein. En 1905, il écrit à un de ses amis, Maurice Duplay, « Si la monarchie et le cléricalisme ne sont pas le seul recours de la France, cela rend-il le médecin de campagne, donc un roman de Balzac assez engagé, un moins beau livre et les romans de Barbet d'Aurevilly. » Et donc, à ce moment-là, il fait de cette loi un fait de civilisation. Alors, il y a de nouveau le côté empathique, c'est-à-dire que ce qui le choque, ce qui ne pardonne pas, c'est l'expulsion des congrégations. Il y a le côté patrimonial, c'est-à-dire on entre à coups de hache dans des églises et alors le patrimoine. Il y a une philosophie de l'art qui, à mon avis, pourra se prolonger chez André Malraux et la grande action du ministre de la Culture André Malraux. C'est l'idée qu'on ne peut pas dissocier des cathédrales du culte qui est dit à l'intérieur d'elle, et la mort des cathédrales, qui est le titre de son article en 1904, ça consiste à faire de ces cathédrales des édifices silencieux, des musées. Et donc, ça ne va pas. Et il y a quand même de la politique à long terme, parce qu'alors là, il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'il dit, attention, il ne faudrait pas que les Dreyfusistes trouve le moyen, par ces lois assez violentes, de se venger quelques années plus tard, et donc de faire de la séparation des Églises et de l'État la réponse à l'affaire Dreyfus. Et il se tourne vers ses amis en leur disant « C'était bien la peine de vous voir prendre fait et cause pour Dreyfus si vous vous tenez les côtes maintenant à l'idée que toutes ces congrégations de religieuses sont expulsées hors de France, parce que finalement, votre compassion il y a 10 ans, alors qu'est-ce qu'elle valait puisqu'elle était à géométrie variable ? Donc, il retourne, et d'ailleurs, je pense que il finit par tous nous gêner, parce que nous-mêmes, nous avons toujours des convictions, et Proust a une telle façon de brouiller jusqu'au bout, et de retourner surtout les questions, que en montrant qu'il y a de la vérité un peu partout, qu'on finit soi-même par ne pas aimer tous les retournements que nous propose Proust. D'autant, Luc Fraisse, que nous sommes dans une période extrêmement violente. Anne Simon, en quelques mots, vous êtes directrice de recherche au CNRS. La rumeur des distances traversées, Proust, une esthétique de la surimpression, toute cette réflexion autour de Proust et le réel retrouvé s'inscrit dans un moment violent. Séparation des Églises et de l'État, affaire Dreyfus, homosexualité, l'antisémitisme. Proust est aussi dans un monde ultra-violent. Oui, on a énormément de mal, à mon avis, à se représenter cette violence-là, qui est aussi une violence européenne. J'ai mentionné la prise de position de Proust en faveur des Arméniens à la fin du 19e siècle. Donc, c'est en France, c'est en Europe. La guerre de 70 a évidemment envenimé tout cela. Et il me semble que Proust, effectivement, prend position, mais qu'il sait aussi ce qu'il fait. C'est-à-dire que dans la loi de séparation des cultes et de l'État, ce qui est important aussi pour lui, c'est que l'Église matérialise le temps, et notamment le temps social et le temps de la nation.